créé un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux. La société du progrès. En 2015, la culture du divertissement, promue par les Beatles sans qu'ils s'en rendent compte, est une culture où la drogue est source d'inspiration, afin d'obtenir plus d'émotions. Les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, la culture était certes populaire, mais surtout progressiste et orientée vers l'amour de l'humanité. La culture des Trente Glorieuses est, dans les pays riches, une culture du progrès orientée vers le développement personnel pour le développement national. La faille des Trente Glorieuses a été la spéculation sur les problèmes des pays pauvres. Cette spéculation a créé dans ces pays un déficit à l'importation, car ils ne pouvaient, avec leurs exportations, récupérer autant. Actuellement, la spéculation sur le taux de change variable a fait au début du XXIe siècle que la Chine fut dépendante de ses exports. Cela a poussé l'esclavagisme. Et cependant, le dollar a été jusqu'aux années 1960 une monnaie égalitaire, créant peu de crises. Les Trente Glorieuses sont un prolongement de la politique de Roosevelt en France. Il est insinué dans le livre « Mon père m'a dit » de Elliot Roosevelt que Churchill a fait durer la Deuxième Guerre mondiale pour que Roosevelt ne voie pas sa fin. Dès qu'il fut décédé, les forces alliées furent mieux organisées. Les États-Unis avaient, 25 ans après Roosevelt, une monnaie égalitaire permettant aux pays pauvres de s'enrichir, la réserve or. Le dollar avait aussi une réelle valeur productive pour quiconque l'avait en sa possession. La population était orientée vers l'engagement. Elle avait l'amour de l'humanité. On contribuait au développement d'une humanité meilleure grâce aux grands travaux et à la sécurité sociale en France. Il y avait la joie de réaliser le potentiel créateur. La population était heureuse. Elle progressait parce que impliquée, citoyenne, fraternelle. Fin de la culture du progrès. Pendant les années 1970, il y a eu beaucoup d'assassinats. On savait que De Gaulle, un chef d'État des grands travaux, a échappé à différents attentats. Pendant les années 1960 et 1970, il y a eu beaucoup d'assassinats. On sait que De Gaulle, un chef d'État des grands travaux, a échappé à différents attentats. Il y a eu aussi l'assassinat de Robert Boulin, un ministre du Travail. Aux États-Unis, les Kennedy et Martin Luther King ont été liquidés, ce qui a poussé les Américains à croire que la malhonnêteté permettait de se faire une place dans la société. Ainsi, en 2013, François Hollande devient un pion de la finance parce qu'il ne veut pas mourir, mais surtout parce qu'on lui a appris à faire partie du système. Il n'y a plus cette culture de la métaphore, pourtant présente dans les années 1980. Ces comparaisons poétiques expriment la beauté quand il y a une recherche de vérité. La privatisation de la monnaie a entraîné une mauvaise éducation de la population, où la créativité n'a plus été favorisée. Pourtant, la créativité est ce qui nous sépare de l'animal. La culture du divertissement pousse aux pulsions maladives, responsables de nos maux. Car les classes surchargées empêchent le professeur de faire évoluer l'élève. L'élève devient alors émotif avec la télévision. L'émotivité crée des conflits. La rationalité, qui consiste à comprendre ses émotions, est ce qui provoque la compréhension quand il y a une recherche de vérité orientée vers le progrès. Vous trouverez ainsi des chercheurs écrire des poésies pour comprendre et expliquer l'infiniment petit. Il y a nécessité que la population ait une réflexion philosophique sur la vie pour que les chercheurs osent publier ces poésies. Les BRICS. En 2014, 5 pays se sont associés pour développer le monde. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont créé une banque internationale pour le développement, contredisant l'OMC. Cette banque crée de l'argent pour des projets productifs et internationaux de développement, comme aux Trente Glorieuses. C'est ainsi que les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique croissent leur population, bien que l'Occident faillisse à les aider. Mes notes. Écrivez sur ce que vous attendez de votre nation. Recherchez ce qu'est un État-nation dans le livre de Aymeric de Vatel, Le droit des gens. Sommes-nous dans un État-nation ? C'était Créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux.